Dans nos vies, la chance apparaît pas à chaque coin de rue. Et s'il faut maman, j'éliminerai chacun d'eux. Traverser ciel et terre, moi j'ai jamais su faire. Tu pars de tes blèmes, mes rares sont les personnes qui n'ont pas souffert. Et tu sors la cala car nos rues sont sous scellées. Y'a plus de pochetard donc les 10 sont sous cello. Fin de jave, papa t'attend devant la télé. Tu rentres même pas, tu vas te laver au tello. Je connais la rue, ses environs. Viens chez moi demander. Y'a un talent dans tout, si tu veux faire des sous, sale mec faut être usé. Des fois j'ai des flashbacks, surtout quand y'avait pas un bruit dans le hall. À part une daronne qui marche sur un pocheton, quand deux trois petits revenaient du football. Y'a moins d'amour, y'a plus de haine, y'a encore plus de pièges quand tu montes les marches. Si j'attaque pas physique, ce sera la dégaine. Ils resteront muets quand tu laisseras une trace. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas un voyou. Moi je sais faire que rimer les voyelles, j'aurais peut-être fait de la variété comme Aznavour. Si j'avais grandi à La Rochelle, à vos marques, neuf feux partés, les derniers vont tirer sur les premiers servis. On veut la cagnotte depuis qu'on s'est compté. C'est les idées armées comme en Serbie. Te prends pas pour ce que t'es pas maillot car je traîne avec des mecs qui te mettent des bananes comme dans Mario Kart. Une fois un gun et un avocat. Faut aussi que je pète la femme à Harry. Mais je peux pas venir la chercher en mégane. Quand c'est le berlingot qui te fait court derrière tu ris. Quand c'est les TDM t'oublies les dodanes. Mon gros je viens prendre mon du 6, c'est pas trop tard. Pour mes projets je me lèverai jamais trop tôt. Frérot j'ai déjà essayé de mettre un costard. Dans mon ensemble du Barça je me sens moins costaud. Finir mes jours sur la Costa del Sol je me demande. Au moins là-bas ils mettent mon amende. Le seul truc dont je suis vraiment sûr c'est la mort. Et que ce qui évite mes fissures c'est le manque. On s'est mangé le sol, on a fait nos marques. Rendu comme des monomes, maintenant fais-nous mal. Je te raconte que ma vie y'a pas de phénomène. Mais y'a toujours les blêmes. Devant la proie, mi-homme, mi-animal. Fais plus le mec de la rue au tribunal. Et notre vécu, tu sais qu'on l'a fait nous-mêmes. Ha! Laissez-moi seul avec mes fantômes. Faut pas me parler quand j'ai le démon. Rien ne sert de gouverner le royaume. Si les soldats connaissent pas ton nom. Moi j'ai écrit mes rêves à la craie. Les larmes de la rue l'ont effacé. La peur des chouettes tellement que ça m'effraie. Maintenant j'ai décidé de gagner. Laissez-moi seul avec mes fantômes. Faut pas me parler quand j'ai le démon. Rien ne sert de gouverner le royaume. Si les soldats connaissent pas ton nom. Moi j'ai écrit mes rêves à la craie. Et l'âme de la rue l'ont effacé. La peur des chouettes tellement que ça m'effraie. Maintenant j'ai décidé de gagner. Thank you.